les yeux, loin vers les cieux. Sur ma tête se dressent mes cheveux, devant cet immense espace merveilleux. Parmi les astres, ces points lumineux, plus qu'une étoile brillante, roi glorieux, éclate mon Dieu, ton règne majestueux. Partout où je passe, chaque instant, chaque jour, moi je vis ton amour. Toutes les souffrances du temps présent foncent vers moi comme un vent violent. De toi, mon Jésus, je reçois des torrents d'eau de vie bien rafraîchissant, faisant jaillir un rayon très brillant. Donne l'amour si fort, si grand et puissant. Au fond de ma solitude, plein de chagrin comme d'habitude, seul Jésus, ta présence. Oh, pour le bonheur et la grâce, me suivre partout où je passe. Chaque instant, chaque jour, moi je vis ton amour. Je vis ton amour. Je vis ton amour. Tu es bon, Jéhovah. Chaque jour, moi je vis ton amour.